Voici, en une dizaine de minutes, l'intégrale de « Sur l'eau », nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1876. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, octobre 2018.